Selon le journal internet sud-coréen Tongnews, des doyens du milieu civil et social ont tenu le 5 à Séoul une conférence de presse pour présenter des tâches pour corriger la politique sud-coréenne, surtout l'abandon de la décision de disposition de SAD et le rétablissement des rapports sud-nord. Par ailleurs, selon la radio sud-coréenne CBS, le Conseil des presbytériens chrétiens sud-coréens a livré le 5 la prière pour la paix et la réunification et exigé la reprise de la collaboration sud-nord à l'endroit de la grève sur le tas du comité de mesures extraordinaires des entreprises de collaboration économique sud-nord devant le siège du gouvernement à Séoul.